Chapitre 7e. Le jeune héritier se retrouva, le lendemain matin, la tête encore un peu vide, les idées encore un peu confuses, dans une grande chambre somptueusement meublée et fort différente de celle où il s'était éveillé l'avant-veille dans la vieille bicoque décrépite. « Qu'est-ce que cela veut dire, ça va ? » demanda-t-il à son vieux domestique que son premier regard découvrit debout au pied du lit. « Cela veut dire, monsieur le comte, » répondit sans broncher le fidèle serviteur, que vous êtes propriétaire du château de Bella et de tout ce qu'il contient. » Le ton du vieux valet exprimait l'orgueil triomphant, mais son visage ridé resta impassible. « Tout ce qu'il contient !» répéta Xavier, qui s'en sentit secoué au point de sauter à bas du lit sans autre exorde, contrairement aux habitudes de toute sa vie. « Tout ce qu'il contient !» La jeune fille aussi, se demanda-t-il tout bas pendant qu'un sourire à demi-railleur venait à ses lèvres. Il s'habilla avec une prestesse si extraordinaire que Sava ne put s'empêcher de grommeler. « Si vous vous mettez sous le pied de me bousculer comme ça, dit-il, ce serait à regretter que vous eussiez fait fortune. » Cette idée sembla si comique à Xavier qu'il s'assit à califourchon sur une chaise, les bras appuyés sur le dossier, afin de pouvoir en rire à son aise. Mais rien ne troublait Sava, qui se mouvait au milieu des meubles de prix avec le même flegme que jadis sur son plancher vermoulu. Le jeune homme, voyant cela, termina sa toilette et sortit sur le champ pour humer l'air de sa propriété. C'était grand, c'était énorme. Des constructions en briques, en bois, en pierre, recouvertes en chaume, en planches, en tuiles, en tôle, des communs, des métairies, le haras, les granges, les réserves, des pigeonniers, des jardins, des serres, un parc. Puis, au bout du parc, la forêt, la noble forêt de chênes d'un côté, de sapins de l'autre. Plus loin, les étangs poissonneux, puis la rivière, presque un fleuve, et dans ce lointain, à l'horizon bleu, d'autres forêts qui lui appartenaient encore. Xavier n'en revenait point, et cependant le fardeau de sa richesse ne pesait point à ses épaules aristocratiques. Tout cela représentait de l'argent, mais tout argent lui était léger, il était sûr de le dépenser bien vite. L'air qu'on possède sent bon et jouit, surtout dans les premiers temps de la possession, de propriétés exhilarantes considérables. Xavier en fit l'expérience quand vers 11 heures il revint des champs, une petite baguette de counerie à la main en guise de badine. Jamais le ciel ne lui avait semblé si pur, le soleil si chaud, la vie si bonne. Soudain, comme il entrait dans la cour d'honneur, il aperçut sur un petit perron en bois haut de 4 ou 5 marches, qui donnait accès à une maisonnette exiguë, mais assez soignée, la jeune fille de la veille, Mademoiselle Thécla. Celle que le défunt comte avait avantagée sur ses économies sans faire de tort à l'héritier du nom. « Pauvre fille » pensa-t-il avec une sorte de remords. À vrai dire, c'est elle qui devrait être la propriétaire de tout cela. Dire que, faute d'une petite cérémonie à l'église bien moins longue que celle d'hier, cette jolie créature se trouve vouée à la demi-misère, celle des gens qui n'ont pas le droit d'avoir l'air pauvre. C'est là qu'elle demeure avec sa mère, si j'allais leur faire une visite. Xavier ne s'attardait jamais à peser le pour et le contre. À quoi bon? Ne s'aperçoit-on pas toujours qu'on a fait une bêtise alors qu'elle est faite? Pourquoi se casser la tête à des raisonnements que les moindres événements peuvent rendre inutiles? Avant de s'être demandé sous quel prétexte il se présenterait, il était déjà dans la maisonnette et frappait à la porte qui venait de se refermer sur Thécla. La porte se rouvrit aussitôt et l'ancienne demoiselle noble parut sur le seuil. « Monsieur le comte, dit-elle, c'est beaucoup d'honneur. » Elle n'avait pas proféré ces 4 paroles que Xavier se disait « J'ai fait une bêtise ». Il avait eu bien raison de dire qu'il s'en apercevait sur le champ quand ces choses-là lui arrivaient. Cependant, comme il était intelligent et bien élevé, une fois averti, il trouvait communément moyen de se tirer d'affaire. Il le fait ce jour-là comme les autres, mais pour son malheur, ses yeux se portèrent sur Thécla, qui du fond de la chambre jetait un regard de biche effarouché et il perdit totalement contenance. « Je suis venu, dit-il en cherchant ces mots, qui mettaient de la malice à ne pas se laisser trouver, je suis venu m'informer si vous n'aviez besoin de rien. »« De rien, monsieur le comte, » répondit la mère du même son de voix digne et brisée dont elle avait prononcé la première phrase. Xavier resta interdit, comprenant bien que mentalement et poliment on le priait de s'en aller. Tout à coup il prit un parti violent. « Vous n'allez pas me mettre à la porte ?» dit-il avec une certaine brusquerie que rachetait la grâce de son sourire. « Je suis venu dans de bonnes intentions. Et il me semble que vous pourriez bien me dire d'entrer. N'est-il pas vrai, ma cousine ? Il s'était tourné vers Thécla, dont le visage à ce mot se couvrait d'une rougeur délicate. « Entrez alors, comte Xavier, » dit la mère avec un geste où la demoiselle noble se retrouvait tout entière. Le mot hardi du jeune homme avait rompu la glace. Les deux femmes le recevaient non comme un ennemi, non comme un bienfaiteur, mais comme un égal qui eût rempli vis-à-vis d'elle un devoir de politesse. « D'ailleurs, » dit tout à coup Marthe Menzel, « j'aime autant que vous soyez venu car j'aurais dû aller vous trouver. Quand devons-nous quitter Bella ?»« Quitter Bella ? Mais jamais de la vie !» s'écria Xavier avec une sincérité touchante. « Bella, où vous avez vécu tant d'années, où ma cousine a reçu le jour. Bella, c'est votre maison. Qu'est-ce que vous iriez faire ailleurs qu'à Bella ?»« Je n'en sais rien, » dit Marthe avec un long soupir. Elle regarda sa fille qui, sans lever les yeux, vint se placer derrière elle et s'appuya doucement sur son épaule. « Il y eut un temps, » reprit la femme vieillie avant l'âge, « où j'avais des parents, des amis. Je n'ai plus rien de tout cela. Je n'ai plus que ma fille. « Mais moi, je suis votre parent !» s'écria Xavier, ému de la tristesse résignée de la mère presque autant que de la mélancolie muette de la jeune fille. Marthe Menzel médita un instant, puis regarda le jeune homme bien en face. « Non, comte Xavier, dit-elle, vous n'êtes pas notre parent suivant les lois du monde, et vous ne l'êtes pas non plus suivant les lois de l'Église. Nous sommes de pauvres femmes sans protection, qui n'avons rien à réclamer de personne. Nous avons de quoi vivre. Ma fille tient de la générosité de... du défunt comte, une pension qui lui permettra non de vivre sans travailler, mais au moins de n'accepter qu'une situation honorable. Cela doit nous suffire, et nous suffira, sans que nous ayons besoin de vous troubler en quoi que ce soit. » Le jeune homme se sentait mal à l'aise. Marthe Menzel s'est élevée, il sentait qu'il était tenu de se retirer, et pourtant, il avait si grande envie de rester qu'il était prêt à se faire mettre à la porte, plutôt que de comprendre à demi-mot l'invitation à s'en aller que lui adressait silencieusement l'attitude de son hôtesse. « Je comprends, » dit-il avec effort, « que vous ne vouliez rien accepter de moi. Comme vous le dites, je ne suis pour vous qu'un étranger. Et pourtant le ciel m'est témoin que je suis tout disposé à vous considérer comme des parentes. Je suis seul, » continua-t-il avec hésitation, « je n'ai plus de famille, pas plus que vous. Et j'aurais trouvé quelque douceur à ne pas me sentir accueilli dès l'abord. Ici comme l'auteur ou la cause d'un chagrin. Évidemment, je ne puis pas vous forcer à me prendre sur parole, et vous ne me connaissez pas. Mais tenez, » continua-t-il avec une sorte d'empressement joyeux, « demandez à mon domestique Saba. Il me connaît depuis ma naissance. Il vous dira que je n'ai jamais fait de mal à une mouche, et que ce serait une grande injustice que de me croire capable d'affliger qui que ce soit, surtout des dames aussi bien élevées, aussi recommandables que vous. » En parlant, il s'était animé et la joie d'une conscience honnête débordait de ses yeux brillants. « Je vous crois, monsieur, » dit Marthe avec douceur. « Je vous remercie de la bonté que vous nous témoignez. Cependant, je ne puis oublier ce qui nous sépare. Dites plutôt ce qui nous unit, » s'écria étourdiment Xavier. Il s'arrêta en voyant la rougeur délicate, presque transparente, qu'il avait déjà remarquée, envahir les joues et le cou de Thécla. « Je vous demande pardon, madame, » reprit-il. « Je suis horriblement maladroit et pas diplomate du tout. Mais je puis affirmer une chose. Si vous vous en allez d'ici à cause de moi, je m'en irai aussi. Je ne puis supporter que par la faute d'une iniquité du destin, vous soyez exilé du séjour de votre jeunesse, et que mademoiselle que voilà se bannit du seul lieu où elle est des souvenirs. » Marthe Menzel gardait le silence. « Je ne veux pas vous contraindre. Je n'en ai pas le droit, » reprit Xavier, s'échauffant de plus en plus. « Mais au moins, « permettez-moi que vous ne quitterez pas ce domaine sans m'en avoir prévenu. Je vous assure que vous me feriez beaucoup de peine. Ce serait pour moi une sorte de remords. »« Soit, » dit enfin Marthe, répondant à une pression de la main de Thécla. « Soit, je puis vous promettre cela, monsieur. D'ailleurs, nous ne pouvons partir d'ici avant que les 40 jours du premier deuil soient expirés. » Xavier ne pouvait plus rester après cela. Il s'inclina devant les deux femmes en rapprochant ses talons l'un de l'autre suivant la mode russe, et il sortit. Le soleil aveuglant inondait la pelouse et cependant le jeune homme trouva au dehors le jour moins brillant que dans le petit salon exigu, éclairé tout à l'heure de la douce lumière bleue des yeux de Thécla. La journée s'acheva pour l'héritier dans les plus fantastiques calculs. La production des livres, par un intendant qui certes y trouvait son compte, assurait au comte Xavier un revenu annuel flottant entre 100 et 150 000 roubles. De tels chiffres semblaient chimériques à un homme qui, depuis quelque temps déjà, vivait presque au jour le jour, du maigre produit d'un domaine sur lequel le plus modeste des majordomes n'eût pas trouvé à grappiller seulement de quoi payer ses peines. Pourtant, d'un air fort digne, le nouvel héritier accepta les comptes sans broncher. Il eût été d'ailleurs fort embarrassé de les vérifier, n'ayant jamais pu savoir, si peu qu'il en eût, combien il avait de chemises. Il congédia son intendant d'un geste tout à fait noble, et dès qu'il fut seul, se livra en présence de Sava, qui, roi des gourmets, ne l'avait plus quitté depuis l'escapade de la matinée, à une série d'entrechats folâtres. « Monsieur le comte !» fit Sava sans se laisser troubler par ce spectacle réjouissant. « Cet homme-là vous vole !» Xavier reprit aussitôt une attitude correcte. « Qui te l'a dit ? » fit-il en parodiant sans le savoir un mot célèbre. « Je l'ai vu. Quand vous avez dit « c'est bien », les coins de sa bouche se sont serrés, comme ça. » Sava fit disparaître miraculeusement ses grosses lèvres, qu'il semblait avoir avalées. Quand les intendants font cette figure-là, c'est que les comptes n'étaient pas en règle, et que le maître ne s'en est pas aperçu. « Qui diable t'a appris ça ? » fit Xavier émerveillé. « Bien sûr, ce n'est pas chez moi. Chez feu le comte votre père !» répliqua Sava en s'inclinant avec respect. Tous ses intendants ont toujours fait la même figure en le quittant, et à sa mort, il ne possédait plus rien, excepté la maison patrimoniale où nous avons vécu jusqu'à présent. « Ah ! » fit Xavier pensif. Il médita quelques instants. Mais quelle réflexion morose pourrait tenir devant la perspective d'une fortune aussi considérable ? Et puis, tout cela était en terre, en bois, en choses solides, ce que l'on appelle si sagement des valeurs immobilières. Xavier se disait qu'on les nommait ainsi parce qu'elles étaient immobiles, et tout bas il se félicita en pensant que les intendants auraient beau lui présenter des comptes d'apothicaire. S'il mordilla même le revenu, il ne mangerait pas le fond, en tout cas. Xavier prit une plume et écrivait à sa tante l'aventure qui, de pauvre, le faisait millionnaire.